gaz, néo flow, néo rime, MS3 en micro. Va avoir beaucoup de victimes, tu te rends pas ta speed. C'est bien nous, dangereux, les MC vont se prendre des coups de genoux. Le papa, sans cause, et dis non dans le son. Si tu kiffes, vas-y, appuie sur le klaxon. On se prend pas pour des durs, on est des durs. Les keufs, dès que nous verrons, ils vont fuir. J'suis pas comme Starpit, que ça pète. Des frimeurs, y'en a plein dans cette planète. Mais des coups de coude, j'espère tu vas dans le coup. Tu pourras pas confondre, biatch. Et comme moi, y'a pas beaucoup. Rien à foutre, on dit que tu verras mieux que moi. Des tapés dans ta team, donc tu m'en bats les couilles, moi. Pour quand même, pas besoin de mettre des bling bling ou l'air des grosses caisses. Faut savoir gérer MC dans la joie ou la tristesse. Te casse MC au collège, j'suis pour carnet PS. Face à nous, tu veux pas le poids. Et ça, le vrai, ils savent, tu piges. Continue en péra, et refais, c'est nous tes bandits, pige. Belle génération dans le rap, un S3 limité de guerrier, puissance de frappe. C'est les nous, tu te trompes pas. On est des rappeurs, pas des braqueurs, ne confonds pas. Nouvelle génération dans le rap, MS3, limité de guerrier, puissance de frappe. C'est bien nous, tu te trompes pas. On est des rappeurs, pas des braqueurs, ne comprends pas. Quand j'envoie le son, écoute bien, il retient bien l'endroit d'où je viens. Viens faire un tour chez moi dans le intro, on le fait toujours à la bien. On veut toujours se mettre bien au charbon que t'es en plein. Ne pas finir vieux, c'est t'inquiète de se trahir les anciens. Et maintenant, regarde ce qu'on devient, t'inquiète, c'est pas ce qu'on veut. Mais va demander à Sarkozy de nous, il veut. À peine toucher la quinzaine, veut déjà partir loin. Et laisser derrière nous tout ce qui nous retient. Pour pas devenir des galériens. Ghetto algérien comme on rien, c'est pas grave, le moteur est africain. On veut percer dans le RAP, comme si tu perçais l'achat du TASP. Le MS3 va péter, notre rap toujours au niveau, on vient pas tester au BD. J'ai mon respect, tes compas, le bois ok. Toujours partant pour t'allumer, on est ok. Voici nous des vrais, pas des faux. MS3 dans le rap, tu glaces, tu vois fou. Nouvelle génération dans le rap, MS3, une tête guerrier, puissance de frappe. C'est bien nous, tu te trompes pas, on est des rappeurs, pas de braqueurs, confonds pas. Nouvelle génération dans le rap, MS3, lutte de guerrier, puissance de frappe. C'est bien, nous ne trompons pas. On est des rappeurs, pas des braqueurs, confonds pas. J'ai pris des claques à bout de souffle, je reviens de loin pour les MS3. Je me suis jamais laissé faire parce que j'ai appris tout ce qu'il faut. J'ai entendu, vu, mais la défaite est non, c'est vraiment jamais entendu. Ça c'est pour nos frères incarcérés et pour les connaisseurs et celles que je considère comme mes sœurs. Mais pas pour Nico parce qu'il n'y a pas de porno, c'est comme les amis, c'est la merde, mais sans eux on s'emmerde. C'est pas une taille, t'es un détail, c'est le parrain 171 qui rappe avec Lou, pas comme va. 171 street est là, à rapper avec Gigino, c'est comme violence, ça rime avec délinquance. La jeunesse est fait péter dans les boîtes à part tous. M pour parrain, S pour Gigino, le 3 c'est pour Lou, pas comme va. Parrain 171, une putain de rapace vocale. Nouvelle génération dans le rap, MS3 unité de guerrier, puissance de frappe. C'est bien nous, tu te trompes pas. On est des rappeurs, pas des marqueurs, on ne confond pas. Nouvelle génération dans le rap, MS3 unité de guerrier, puissance de frappe. C'est bien nous, tu te trompes pas. On est des rappeurs, pas des marqueurs, on ne confond pas. Nouvelle génération dans le rap, MS3 unité de guerrier, puissance de frappe. C'est bien nous, tu te trompes pas. On est des rappeurs, pas des braqueurs, confond pas. Nouvelle génération dans le rap, MS3, unité de guerrier, puissance de frappe. C'est bien, nous tu trompes pas, on est des rappeurs, pas des braqueurs, confond pas. Des Gino, MS3, L2O, parrain. Pour les quartiers nord de Mars, vas-y fais péter ça mon frère.